17 B. Moi, je trouve qu'on vit mieux à la campagne qu'en ville en général. Ah, je suis pas du tout d'accord. On s'ennuie à la campagne. Il y a pas d'ambiance. Tout à fait. T'as raison, Letty. La campagne, c'est insupportable. Il y a vraiment rien à y faire. La campagne, en plus, en été, c'est plein de moustiques. Et il fait hyper chaud. Ouais. Oh, il fait hyper chaud. Et en ville, alors, l'été, c'est insupportable. On peut pas respirer. C'est vrai, mais la ville, c'est 100 fois mieux. Ça bouge plus, c'est plus... Oui, et en plus, à la campagne, on a l'impression d'être observé à longueur de journée. La campagne, ça va pour y passer la journée et rentrer en ville le soir. Oui, c'est ça. Pouvoir y aller, être là-bas, quand on a envie. C'est vrai qu'il y a des gens pour qui... Comment dire ? La vie saine, ces choses-là. Ben ouais. Et puis, ils ont une profession qui leur permet d'être... comment dire ? D'être à la campagne, quoi. Ouais, c'est possible pour eux. Ils aiment ça, ils respirent l'air pur.